pour nous parler de vivre et laisser vivre. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir, Bernard. Il a été pas autour du test. Un petit étalard là-bas, hein? C'est vite au Québec. Bon. Bernard, on parle souvent de respect dans le développement de la conscience. On parle de la possibilité, souvent, pour les gens de vivre à leur rythme, de vivre à une dynamique qui leur est propre. Vivre et laisser vivre, c'est le sujet de la soirée. Dans quelle mesure il est possible de laisser vivre les autres, les gens qu'on rencontre, quand on a des engagements, des implications, des projets à exécuter collectivement ou ensemble? Dans quelle mesure il est possible de laisser à l'autre le soin de vivre à son rythme? Si t'es intelligent, vous n'avez pas de choix. Si une personne est intelligente, éventuellement, elle va chercher à vivre à son rythme, sinon, elle se met sous votre vibration. Donc, une personne qui est moindrement intelligente, va chercher au cours de son expérience à vivre à son rythme, c'est-à-dire à vivre sa vie en fonction de ses options à elle, et non des mots. Okay. Quand vous dites une personne moindrement intelligente, Ça veut dire une personne qui a suffisamment de centricité pour, à un certain moment de sa vie, se servir de son expérience passée et en arriver éventuellement à se créer une nouvelle expérience basée sur son intelligence à elle, de sa situation, ses paramètres, dans le cas de l'homme inconscient, de ses convictions, dans le cas de l'homme conscient, de ce qu'il sait de lui-même, ainsi de suite. Autrement dit, l'homme ne peut pas indéfiniment, je parle de l'homme conscient, l'homme en évolution de conscience ne peut pas indéfiniment vivre en orbite. Vivre en orbite, c'est pas vivre, c'est exister, c'est coexister, c'est cohabiter avec. Un homme conscient ne vit pas en orbite par rapport à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc, plus l'homme est intelligent, plus l'homme est conscient, parce que pour moi, l'intelligence, c'est de la conscience, pas un PhD. Plus l'homme est intelligent, mais plus il en arrive éventuellement à vivre par rapport à son propre sens. Il ne vit plus en orbite. Donc, il développe son rythme. Il vit par rapport à son rythme à lui. OK. Est-ce qu'il est possible qu'une personne qui est dans son centre de gravité puisse empêcher un autre de vivre à son rythme? Oui, si l'autre n'est pas intelligent pour se libérer, pour briser cet empêchement-là. Oui. C'est ce qui se passe en société à tous les niveaux. On en vient à ce moment-là à la problématique de lequel des deux qui est intelligent. Comment qu'on peut reconnaître dans un débat finalement où deux individus sont dans un processus de décision, comment qu'on peut reconnaître celui qui est intelligent, celui qui ne l'est pas. Donc de celui qui va finalement subir, je dirais, le joug de l'autre. L'intelligence, c'est pas comparatif. Chaque homme a son expérience à vivre, chaque homme a une vibration, chaque homme a, dans un sens, une mission sur la Terre. Chaque homme fait vivre quelque chose, vit quelque chose, donc par rapport à lui-même, et fait vivre quelque chose par rapport aux autres. Tous les hommes le font. L'homme est en symbiose, mais à un certain moment donné, quand l'homme devient conscient, à ce moment-là, il commence à chercher à avoir besoin de vivre son rythme. Et ça, dans une société moderne complexe, c'est pas facile parce que l'homme a vendu son âme à la société. L'homme est même pas conscient de son propre esprit. Il vit sa vie par rapport à la mémoire. Il vit sa vie par rapport à sa personnalité. Il est pas dans sa personne. Il est pas centrique. Il se connaît pas. Donc, l'homme vit par rapport à un immense égrégore social qui a différentes vertus. Remarquez bien, la société a ses vertus. Mais elle s'évertue à faire perdre des vertus à l'homme. Mm-hmm. malgré elle-même. Ça fait partie de sa dynamique, ça fait partie de ses forces planétaires, ça fait partie de son inconscience, ça fait partie de son vampirisme, ça fait partie de l'égrégore planétaire mondial. L'homme a besoin, l'homme de l'évolution, l'homme nouveau aura besoin de se développer une immense conscience centrique pour pouvoir contrebalancer, être en équilibre avec les forces sociales, avec ce qui le mettait auparavant en orbite. Sinon, l'homme, surtout maintenant que nous sommes dans une période qui va durer des générations, de transmutation de plus en plus rapide des formes de société. La société se transmute à des rythmes effrayants, surtout aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ça va venir aussi dans l'Occident, dans le Moyen-Orient, ainsi de suite. Il va venir un point où les structures sociales, les structures psychologiques de l'évolution ne pourront plus servir l'homme en tant qu'individu. Elles vont servir l'homme en tant qu'être animal social. L'homme qui représentera dans un certain sens des valeurs purement socialisantes, un petit peu comme Marx le concevait, par exemple. Mais la réalité humaine dépasse ceci parce que l'homme est beaucoup plus que simplement un trait d'union entre l'histoire matérielle et l'évolution sociale. L'homme, c'est un pilier de la conscience sur la Terre. Et éventuellement, quand l'homme prendra conscience de cette nature ultimement universelle, à ce moment-là, ben, ce qui était auparavant considéré comme des forces imprenables de la société, ce qui était considéré auparavant comme des conditions fondamentalement sociales de l'homme social, de l'homme grégaire, bon, mais ça va s'éteindre, parce que l'homme ne pourra plus vivre par rapport à ces paramètres-là qui font partie de l'inconscience planétaire de la vie, mais qui ne font pas partie de sa conscience universelle. À ce moment-là, mais les religions n'existeront plus pour l'homme. L'homme ne pourra plus utiliser les religions comme béquilles. L'homme ne pourra plus utiliser les philosophies sociologiques et socio-économiques comme béquilles. Par contre, l'homme va continuer à créer socialement, mais en fonction de paramètres qui lui conviendront parfaitement. Et ça va demander de sa part une très grande transmutation de sa conscience et une élimination complète dans sa conscience des forces qui retardent son évolution vers une intégration profonde de son moi universel. Maintenant, diriez-vous que les idéologies versus aussi les religions sont le principal entrave, les principales influences sur la liberté de l'individu? Bon, les idéologies font partie du parcours historique de l'humanité. Vous pouvez pas vous attendre à ce que l'homme, je parle de l'homme de l'évolution, l'homme qui découle de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, de la civilisation de la Renaissance, et ainsi de suite. Vous pouvez pas vous imaginer que l'homme puisse parcourir les sentiers de sa conscience, découvrir les lois occultes de son moi. À travers la réflexion philosophique, c'est impossible. Donc, tant que l'homme n'aura pas nié, complètement détruit, complètement le concept cartésien du « je pense, donc je suis », qui fait partie dans un sens, de la fleur de la pensée française et aujourd'hui de la pensée occidentale, l'homme pourra pas faire de constat au-delà de ce que les idéologies ont bien voulu lui amener en fonction de son éducation, de son évolution très lente, de sa recherche, de sa réflexion. L'homme a besoin d'en arriver éventuellement à reconnaître sa capacité de développer ou d'accéder à une critique absolue de la réalité. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre par rapport à une critique relative qui a été techniquement la limite psychologique de la philosophie du 19e siècle. L'homme a besoin d'en arriver à pouvoir, par lui-même, en fonction de lui-même, pour lui-même, pas par rapport aux autres, toujours par rapport aux autres, accéder à une critique absolue. Et pour accéder à une critique absolue, il faut absolument, absolument dépasser le niveau psychologique de la conscience réflective de l'homme, donc dépasser le consensus psychologique de l'ego en fonction de sa relation dynamique avec la conscience sociale. Sinon, l'homme ne pourra jamais en arriver à constater les hauts faits de sa conscience, les hauts lieux de sa conscience, et éventuellement pérégriner, si vous voulez, ou être en communication télépathique avec le plan mental qui, pour le moment, sont ou sont dits de voiler des civilisations imaginaires qui, demain, deviendront des civilisations réelles pour l'homme, dans la mesure où ces civilisations voudront bien se présenter à lui, parce que lui sera suffisamment développé pour ne pas être détruit par leur présence. Donc, on est arrivé à la fin du 20e siècle, aux confins de l'histoire humaine, aux confins de l'histoire psychologique, aux confins des sciences psychologiques, quoi, aux confins des sciences réflectives. Puis, l'autre passage dans l'ère du Verseau, l'autre passage de la conscience humaine, se fera totalement par rapport à une nouvelle logistique psychique, c'est-à-dire que l'homme deviendra totalement psychique. L'homme deviendra volontairement télépathique, l'homme deviendra totalement... totalement unifié à sa conscience. Et à ce moment-là, ben, les aspects ou les paramètres psychologiques de l'évolution dont vous parlez, par exemple les idéologies spirituelles ou les idéologies politiques, seront simplement des tableaux qui font partie du musée de l'histoire de la contemplation de l'homme face à la réalité. Et lui commencera finalement à réécrire sur les murs la nouvelle histoire de l'homme, à sa façon, selon sa puissance. On voit dans votre discours que vivre pour une personne consciente ne réfère pas aux mêmes paramètres. Vous parlez de civilisation imaginaire et vous accordez une réalité éventuelle à la conscience de l'individu face à ces civilisations dites imaginaires. Comment l'individu peut concevoir le fait de vivre en parallèle avec ces civilisations-là? Dans la mesure où il accède à un autre véhicule, dans la mesure où ses énergies émotionnelles, astrales sont suffisamment changées pour qu'il ne s'éteigne pas dans la folie au contact avec ces civilisations imaginaires. La raison pour laquelle je leur donne le terme de civilisation imaginaire, c'est parce que pour le moment, elles font partie de l'imagination de l'homme. Donc, pour l'homme, en général, le contact avec ces plans-là fait partie de l'imagination humaine, tandis que pour des initiés, ce contact-là avec ces plans-là ne fait pas partie de l'imagination humaine, il fait partie du contact étroitement, absolument relatif entre l'homme et des plans qui font partie de la conversion de son énergie astrale en conscience éthérique, donc en corps morontien. Donc, mais on doit pour le moment respecter les conditions, les conventions de la psychologie humaine, les niveaux de reconnaissance géographique de l'homme en ce qui concerne la totalité de l'univers palpable. Pour stimuler notre imagination, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de qu'est-ce que ça serait la vie en vivant ce contact-là avec ces civilisations-là? C'est pour peut-être stimuler notre imagination. Ben, dans le sens que pour nous autres, c'est peut-être pas réel pour l'instant, mais vous parlez de ce contact-là avec ces civilisations-là comme étant une éventuelle réalité. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée, dans un sens, de qu'est-ce que ça pourrait être, la vie, en contact avec ces civilisations-là, une fois que l'homme, sur le plan matériel, a pris contact avec ces civilisations-là, sur d'autres plans? Pourquoi ça? Pour savoir quelle vie qui nous attend, dans un sens. Ça vous donne quoi? Ça permet de faire la conférence sur un sujet qui est intéressant dans un sens. Parce que... Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants dans plusieurs sens. Mais c'est pas parce que des sujets sont intéressants dans plusieurs sens ou dans un sens que ces sujets-là sont nécessairement importants pour l'homme. Bien, c'est que toute personne, dans un sens, cherche une évolution à caractère psychique. Et ça semble être une éventualité, pas une éventualité, mais une sorte de certitude qu'on s'en va vers ça. Ces civilisations-là semblent prendre contact avec l'homme, vous dites au niveau imaginaire dans un temps, mais là, la perception de ça, on doit finalement goûter une certaine réalité dans nos prises de décision, dans nos actions. Que l'homme commence au niveau de son moi, que l'homme commence au niveau de sa pensée, que l'homme commence à ne pas se laisser astraliser d'abord. Les premières étapes avant les deuxièmes, c'est inutile à parler à l'homme de choses qui font partie de ce qui est pour lui aujourd'hui de l'imaginaire, parce que à ce moment-là, ça le rend imaginaire, ça le rend imaginatif, ça ne le ground pas, ça ne l'aide pas. Ce que l'homme a le plus besoin aujourd'hui à la fin du 20e siècle, c'est de réellement prendre conscience de ses faiblesses, Et quand je parle de conscience de ses faiblesses, je veux dire de ce qui, dans la vie, le fait souffrir à tous les niveaux. Et ça, c'est une job qui peut durer des années. Commencer à se remplir le cerveau avec des notions ou des concepts ou des paramètres qui définissent des mondes imaginaires, c'est totalement absurde, c'est totalement ésotérique. C'est totalement non nécessaire. Pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est retardataire. Pour moi, c'est de l'évasion. C'est pas aider l'homme de parler de ces choses-là. Aider l'homme, c'est lui faire reconnaître d'une façon fondamentale que dans la vie, il vit des souffrances et qu'il doit connaître les lois, les raisons de ces souffrances-là. Et toutes les souffrances humaines sont basées fondamentalement sur l'incapacité de l'ego de traiter de façon scientifique avec son intelligence, c'est-à-dire de façon objective avec sa pensée, c'est-à-dire de façon objective avec son moi qui est derrière son moi subjectif et planétaire. Ça, c'est la première chose que l'homme doit savoir. Le reste est secondaire. Le reste, c'est simplement le reste découle de ceci. Donc, intervenir dans l'éducation de l'homme sur un plan ésotérique, un plan ça deviendrait éventuellement même de la fumisterie parce que ça n'aiderait pas l'homme à se comprendre lui-même et ça éteindrait en lui la notion d'un travail profondément nécessaire sur la nature de ses réflexes psychologiques en tant qu'ego par rapport au monde, par rapport à l'homme, par rapport à la société. C'est là qu'il faut que l'homme concentre son énergie. Vous dites que c'est inutile de chercher ou de faire une recherche sur ce qu'on peut devenir. Ah oui, c'est absolument inutile parce que premièrement, ça ne nous sert pas. Deuxièmement, ça devient de la projection. Troisièmement, ça s'astralise. Quatrièmement, ça nous enlève le lien déjà ténu qu'on a avec le plan matériel. Vous regardez les gens, puis j'en ai rencontré des milliers, des gens qui sont spirituels, des gens qui sont du bon monde, là, comme on dit, des gens bien, mais ils sont pas capables de se grounder, ils sont pas capables de travailler, ils sont pas capables de faire marcher leur esprit dans un corps en relation avec d'autres esprits puis d'autres corps parce que sont trop affectés spirituellement ou émotivement par leur sensibilité. Puis ça, il faut que ça s'intègre, cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que la Terre ou les forces sociales ou la matière ou les matières restent dans les mains de ceux qui sont un petit peu plus brutales, un petit peu plus philistins, alors que les gens qui devraient réellement accéder au sel de la Terre n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale pour traiter de façon intelligente avec des égrégores qui deviennent de plus en plus puissants. Puis éventuellement, quand vous regardez l'homme à partir du plan mental, mais éventuellement, vous vous reculez de lui. Pourquoi? Non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que il n'est pas capable de construire, il n'est pas capable de créer, il n'est pas capable d'asseoir sur le plan matériel des choses qui sont de longue durée, qui sont permanentes, qui sont bien faites. Tout est impermanent chez lui. C'est pour ça que je suis anti-ésotérisme ou anti-hermétisme ou anti ces choses qui fascinent l'être humain. Pas parce que ça m'intéresse pas, effectivement. Pas parce que c'est pas intéressant. Pas parce que c'est pas grand. Pas parce que ça fait pas partie de certains niveaux de réalité dépendant où on se situe dans ces mondes-là. Mais parce que l'homme a besoin de réellement comprendre sa relation avec ces mondes-là, d'abord en faisant une étude personnelle proche de sa réalité par rapport à une réalité qui est déjà là dans son monde, c'est-à-dire les relations humaines, comment il vit le phénomène de la santé, le phénomène de la mort, le phénomène des joies, le phénomène des peines, le phénomène des blessures, le phénomène des inquiétudes, tout ça. Et ce sont ces éléments-là qui constituent l'équation humaine, qui constituent finalement l'existentialité de l'homme, qui doit être éventuellement rompue, brisée, fracturée complètement, pour que l'homme commence à vivre. Et après ça, ben là, on peut parler de ces choses-là, qui font partie des mondes imaginaires, puis à ce moment-là, bien, ça sera moins imaginaire, puis ça sera de plus en plus réel, et ainsi de suite. Vous mettez beaucoup, beaucoup l'accent sur la conciliation d'une évolution mentale avec la vie matérielle. Comment l'individu crée cette cohésion-là, qui est finalement la vie matérielle, le basic en termes de structure de vie, et son développement personnel? On dirait qu'il y a une sorte, en tout cas au niveau de l'impression, une sorte de contradiction entre le fait d'être matérialiste et le fait d'avoir une évolution supplémentaire. C'est pas une contradiction de joindre le matériel au mental. D'ailleurs, l'homme va être obligé de le faire un jour, parce qu'il va falloir un jour que la matière soit spiritualisée pour que l'humanité accède à d'autres niveaux de civilisation. On va être à d'autres niveaux, c'est la même chose. L'homme est matérialiste. Être matérialiste, dans le sens philosophique du terme, c'est perdre contact avec son esprit et ne s'appointer que dans la matière. Ça, c'est être matérialiste. Ça, c'est du matérialisme. Mais quand un être est conscient et qu'il réussit à joindre l'esprit avec la matière, à ce moment-là, mais il élève la vibration de la matière. C'est comme si vous avez un chat. Si vous avez un petit minou, puis qui est sauvage, puis que vous l'amenez dans votre maison, vous allez le domestiquer. Le contact, si vous avez moindrement de l'amour pour les animaux, mais son contact avec lui, votre contact avec lui va le domestiquer parce que vous allez spiritualiser son corps astral. Mm-hmm. C'est ça la domestication de l'animal. Bon, c'est la même chose avec la matière. Faut que l'homme apprenne à connaître la matière, les lois de la matière. Faut que l'homme dérive de sa conscience psychique des lois fondamentales qu'il puisse appliquer dans le matériel, au niveau du gouvernement, au niveau de la société, au niveau de la science, au niveau de la médecine, et ainsi de suite. Des lois, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas du matérialisme. Au contraire, ça demande une grande conscience mentale. Et ça demande un grand appointement de son esprit. Et ça, c'est réellement l'élévation du matériel. La définition du matérialisme, ça a été l'exclusion de la matière de l'entreprise ou de la grande entreprise cosmique du monde mental. Si la matière n'avait jamais été exclue du monde mental, l'homme aujourd'hui ne serait pas dans le pétrin où il est. Mm-hmm. Donc, ce qu'on appelle matérialisme, c'est simplement la déchéance de la conscience humaine, la déchéance de l'intelligence, ou la spécialisation de son intelligence sous le rayonnement réellement astral des forces arimaniennes, ça, c'est du matérialisme. Mm-hmm. Mais c'est pas la fusion, la connexion, l'union ou l'élévation du matériel vers des plans plus élevés ou par rapport à des plans plus élevés qui représente dans mon esprit une contradiction. Ce qui représente une contradiction, c'est le manque d'esprit dans la matière, oui. Pourriez-vous nous donner une sorte d'exemple ou un exemple de la spiritualisation de la matière? Est-ce que c'est... Il est trop tôt pour ça. Bon. Il est trop tôt pour que l'homme puisse de facto, de son expérience personnelle, réaliser la spiritualisation de la matière. Parce que pour spiritualiser la matière, bon, premièrement, il faut changer de plan. Il faut aller sur le plan éthérique. Faut être capable de d'utiliser le plexus solaire, qui est un organe très, très vibrant de l'homme, et le mettre en rayonnement, le mettre en fonction, le déchirer de son enveloppe, puis le contempler à partir du pinéal, et ensuite le projeter dans l'espace éthérique pour construire des nouvelles relations avec la conscience des atomes, et ainsi de suite. Donc, la spiritualisation de la matière, ça ne fait pas partie de l'expérience de l'humanité pour le moment. Ça fera partie de l'expérience de l'humanité dans un temps à venir. Au début, ça sera très occulte, très caché, très voilé l'humanité, mais ça fera partie de l'évolution de la conscience de la race. Ce ne sont pas des choses qui font partie de l'expérience planétaire, karmique, évolutive de la cinquième race racine. Bon, dans l'expérience de vie de tous les jours, notre quotidien, on est souvent confronté à des problématiques de survie face à l'argent, face à la finance. Est-ce que présentement, les gens sont assez conscients pour parler de désastralisation de la finance? Désastralisation de la finance, ça veut dire désastralisation de l'ego. Désastraliser l'ego, vous allez désastraliser la finance. Si vous désastralisez pas l'ego, vous ne pourrez jamais désastraliser la finance. Désastralisation de la finance veut dire désastralisation de l'ego. L'homme doit être dans son esprit, travailler avec son esprit par rapport au monde matériel. À ce moment-là, il désastralise la finance. Si l'homme n'est pas dans son esprit et vit l'expérience de l'âme par rapport à la matière, il ne va pas désastraliser la finance. OK. Donc, à ce moment-là, c'est le corps de désir qui... C'est le corps de désir qui entre en jeu. Puis, le corps de désir, quand il entre en jeu, peut utiliser n'importe quelle plateforme de perception pour s'instruire, si vous voulez, de la notion de désastralisation de la finance. Mais si le corps de désir ne s'épure pas, s'il n'y a pas transmutation de l'être, la désastralisation de la finance ne peut pas se situer ou prendre place, parce que pour que la désastralisation de la finance prenne place dans la vie de l'homme, ou s'exerce dans la vie de l'homme, il faut que ce soit l'esprit qui soit derrière le décisionnel et non pas l'ego. Ça demande une conscience mentale, ça demande une conscience vibratoire suffisamment développée pour que l'homme, dans son action, dans son mouvement par rapport à la finance, réalise toujours, instantanément, que l'argent, c'est une énergie qui est très, très difficile à manier. Elle est difficile à manier parce que quand l'homme l'a dans les mains, il perd de vue sa conscience. C'est comme si le focus de son œil mental change. Il ne reste pas toujours dans la conscience quand il manipule de l'argent ou quand il manipule des choses qui, sur le plan matériel, font partie des grands plaisirs de la vie quand elles sont en abondance. L'homme perd contenance. Comment ça se fait que la finance nous donne l'impression de vivre? Et que quand on perd contenance comme ça, ça nous empêche de vivre à un certain moment donné. Ça nous expose à des déséquilibres au niveau de la crédibilité, au niveau de même la consommation peut nous emprisonner dans des comportements, dans des modes de fonctionnement qui sont en bout de ligne inverses à nos attentes quand on commence. Qu'est-ce qui fait que l'individu s'empêche de vivre à un certain moment donné à cause justement de possibilités de ressources financières qui sont abondantes, quand il en dispose, évidemment. Je comprends pas réellement votre question. Qu'est-ce qui fait qu'un individu perd le contrôle sur... Le premier contact avec la matière pour un individu, c'est souvent la finance, c'est l'argent. Et qu'est-ce qui fait que l'individu perd le contrôle là-dessus? Bon, la chose, c'est que l'argent pour l'homme, c'est une mesure de son succès. Donc, en termes social, en termes sociologiques, en termes psychologiques, le succès, c'est une sécurité. Et en plus d'une sécurité, c'est une valeur réflexive, dans le sens qu'on vous regarde et on dit « Ah, il y a du succès ». Et en plus de ça, dans le succès, dans l'égrégore du succès, dans la vibration du succès, il y a une pointe de vanité. Mm-hmm. Parce qu'un homme qui a du succès, dans un sens, techniquement, philosophiquement, psychologiquement, il est capable de dire, il est capable, il peut, ou il a le choix de pouvoir être un petit peu condescendant sur les autres. Mm-hmm. Il peut regarder un petit peu d'en haut. Vous regardez les gens qui ont du succès, vous regardez tout un petit peu d'en haut. Mm-hmm. Un gars qui se prend une Mercedes, quand vous avez une Volkswagen, il vous regarde un petit peu d'en haut, il ne vous regarde pas partout. Parce qu'il vous voit même char. Mais ça fait partie des réflexes psychologiques de l'ego. Mm-hmm. Donc, c'est normal. Ça fait partie de l'inconscient. Ça fait partie de l'inconscient. Par contre, ça fait partie de l'irréalité de l'ego. Donc, la conversion de tout ce matériel-là, de toutes ces objections de conscience, qui font partie d'un testament planétaire de valorisation pour l'ego planétaire, ça doit être transmuté. Une fois que c'est transmuté, à ce moment-là, l'argent devient libre. Mais tant que c'est pas transmuté, l'argent n'est pas libre. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous êtes libre financièrement. Il y a des gens qui ont fait des fortunes qu'ils ont perdues. Mm-hmm. Donc, la liberté par rapport à l'argent, c'est basé sur un flux continu entre l'ego et l'esprit. Donc, quand il y a un flux continu entre l'ego et l'esprit, il y a liberté entre l'homme et l'argent, qu'il y ait argent ou qu'il n'y en ait pas. S'il n'y en a pas, ça va venir. S'il n'y en a pas, ça fait partie de la purification des corps, ça fait partie de la transmutation des corps, ça fait partie de la conscientisation de l'homme par rapport à son esprit, ainsi de suite, parce que l'esprit n'est jamais tombé là, de façon irréfléchie. L'esprit a toujours un plan. Mm-hmm. Mais si l'homme n'a pas contact ou n'a pas suffisamment de conscience de son esprit, n'a pas suffisamment de conscience vibratoire, à ce moment-là, l'argent remplace son esprit. Okay. Et l'esprit n'aime pas être remplacé par de l'argent. On peut comprendre. L'esprit n'aime pas ça. Autrement dit, si vous parliez à votre double, à la source, à ce moment-là, l'esprit et l'ego du mortel deviendra tellement unifié que l'homme ne pourra plus faire ce qu'il veut avec de l'argent. Et à un certain moment donné, l'homme s'en apercevra qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec de l'argent. Jusqu'au moment où un jour, l'homme pourra faire ce qu'il veut sur le plan matériel. Quand l'homme pourra faire ce qu'il veut sur le plan matériel, à ce moment-là, il n'aura même plus besoin d'argent. Dans le sens que il aura des facultés occultes qui lui permettront de traiter avec cette énergie-là d'une façon créative, constructive, mais en relation avec son esprit, avec sa source. À ce moment-là, il y aura plus d'astral de l'argent. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à cet état de conscience, l'argent sert à la transmutation de ses corps sur le plan mental, comme la sexualité sert à la transmutation de son corps émotionnel sur le plan émotionnel. Ces deux grandes forces-là, la sexualité, dont l'amour est un dérivatif, l'amour astral est un dérivatif, et l'argent, sont les deux grandes forces dans une conscience expérimentale qui servent éventuellement à sortir l'homme de son inconscience, le rapprocher de son esprit. Mais à ce moment-là, le contrôle involutif, le libre arbitre fictif de l'involution qui faisait la gestion de l'argent ou qui faisait de la gestion de sa sexualité, éventuellement s'évapore pour éventuellement se retransmuter à un autre niveau. Et à ce moment-là, l'homme passe de l'involution à l'évolution. Et à ce moment-là, tout se rétablit dans un ordre nouveau. À ce moment-là, tout est transmuté, l'argent est transmuté, et l'homme, demain, aura le pouvoir sur la finance. C'est-à-dire qu'il aura la capacité de traiter de façon intelligente, créative, avec des éléments qui, mis ensemble, constituent pour lui une sécurité, parce que l'homme n'aura plus besoin d'être mis en veilleuse, c'est-à-dire d'être travaillé sur ses corps subtils pour qu'il y ait finalement, réellement, en lui, la manifestation de son rayon et l'éclatement sur le plan matériel des lois universelles de l'homme nouveau. À quel moment, Bernard, si vous dites que la sexualité et l'argent sont finalement des agents de transformation du corps émotionnel et mental, à quel moment l'individu peut avoir une mesure ou une perception très claire que l'esprit est en train de contrôler sa vie mentale et émotionnelle à travers ces deux facteurs? Quand il s'en aperçoit. Tant qu'il s'en aperçoit pas, ben, il sait pas. S'en apercevoir, c'est quoi? C'est observer que les événements sont contre nous autres? Ou... S'en apercevoir, c'est s'apercevoir qu'il peut rien faire. Qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Tant que tu t'aperçois pas sur le plan matériel que tu peux rien faire, t'as l'impression que tu peux faire n'importe quoi. T'es dans l'illusion de la liberté. Okay. Quand tu commences à être un petit peu plus conscient, là, tu commences à t'apercevoir que tu peux pas rien faire, que t'es bloqué, puis que ça devient réellement évident, parce que ça devient évident, surtout s'il te parle. Évident parce que ça se répète? C'est évident parce que ça devient continu. Ouais, okay. Ah oui, je continue. Quand il commence à te bloquer, il te bloque forever, tout le temps. Ouais. Jusqu'à temps qu'il te bloque moins. Mais il te bloque tout le temps. Il y a toujours l'option de te bloquer. Ça, c'est bien dur sur l'ego. L'avoir l'option de se bloquer. Puis ils servent de ça pour changer ta vibration pour t'amener éventuellement à un niveau de conscience supérieur. Mais aussitôt que l'esprit a la... je dirais pas la chance, ouais. Là, mais aussitôt que l'esprit a la chance... dans le sens que c'est ton temps en tant qu'individu de venir proche de lui. Là, t'es fait. Ouais. Là, ils font. Ouais. Là, ils peuvent attendre bien des incarnations avant de le faire. Mais quand ils le font, quand tu es prêt à passer au feu, tu passes. Mais tu passes pas au feu tant que tu n'es pas prêt. Même si tu veux passer au feu, tu passes pas au feu. Ah, ouais. Il y a bien du monde qui veut le passer au feu. Mais ils deviendront des patates frites. Fait que, c'est ça, mais quand l'homme est prêt à passer au feu, passe au feu. Ça veut dire que quand on n'est pas prêt, on n'est pas bloqué. Puis quand on n'est pas prêt, tout peut aller très, très bien. Ah ouais. ça donne. Il peut pas. Comment voulez-vous qu'il y ait une initiation solaire sur la Terre? Une initiation solaire. Bernard, on est prêt. Disons, les gens veulent être prêts. Ils veulent être prêts pourquoi? S'ils sont tous bloqués. Quand tu veux être prêt à cette conscience-là, tu as ton temps, comme vous dites, là. Quand on arrive à ce temps-là où on est prêt, c'est quoi cette maladie-là de vouloir être conscient, de vouloir être... C'est une maladie. Quand ça bloque, quand on sait que ça bloque la finance, ça bloque le secteur émotionnel, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a en retour? C'est quoi la valeur négociation de l'affaire? Conscient. Oui, mais ça amène quoi si on est bloqué? Ah, oh, ben le blocage, c'est temporaire, ça dure tant d'années. Y a-t-il un nombre d'années spécifique? Ça dépend des individus. Les individus vivent pas. L'homme ne vivra pas. Il n'y a pas un homme qui vit une initiation solaire comme l'autre. C'est différent. C'est dur pour vous de vous trouver une femme dans votre vie, hein? Vous n'êtes pas supposé savoir ça, que c'est dur. C'est pas facile d'avoir une femme comme vous voulez. Oui. Hein? D'avoir quelqu'un là, comme vous projetez. Là, dans le même registre. Dans le même registre. C'est ça. Putain, vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme affable. C'est pas facile, hein? Vous en trouvez, oups, ça marche pas. Un autre, oups, ça marche pas. Puis un autre, oups, ça marche pas. Puis comment se fait? Pourtant, vous êtes intelligent. Fait que ces blocages-là, ben là, quand vous êtes conscient, vous connaissez la game, vous êtes capable de parler avec eux autres. Mm-hmm. Fait que c'est moins difficile sur l'ego. Vous êtes capable d'attendre 5 ans avant d'en trouver une. 5 ans. Tandis que quand vous êtes inconscient puis vous savez pas ça, ben là, vous allez dans un club pour en trouver une de suite, vous allez dans un autre club le lendemain soir pour en trouver une de suite. Ouais. Quand même, l'homme vit pas l'objection, le pareil, ouais, quand il est conscient. Ils ont un avantage sur nous autres quand on est conscient d'eux autres, parce qu'on sait comment ça marche. Mm. Par contre, nous autres, on a un avantage aussi parce qu'on sait comment ça marche. Ça veut dire, Bernard, qu'on fonctionne avec des nouvelles règles du jeu, des nouveaux. Ah, ben, c'est évident. La vie consciente, c'est des nouvelles règles du jeu. Ben, c'est évident. quand on est dans cette conscience-là, est-ce qu'ils nous sont toutes données les règles du jeu ou si on les découvre au fur et à mesure que les obstacles se présentent? On les découvre au fur et à mesure où elles sont expliquées dans le monde, oui. Et non pas au niveau des obstacles. Là. On peut toutes connaître les règles du jeu d'avance. Ben, ça, il y en a beaucoup d'expliquer. Oui. Mais il y en a d'autres à expliquer. Ah, ben, c'est infini, ça. C'est infini. Mm. Les règles du jeu, c'est un code de loi inévitable. On peut pas passer à côté. Si on est conscient, non. Si l'homme est conscient, l'homme va toutes les connaître, ces lois-là, ces règles-là. Ça fait partie de la psychologie universelle, ça fait partie de la science de l'esprit. Bon, est-ce qu'une personne qui est consciente, on peut dire que sa vie va mieux qu'une personne inconsciente? Non. Ah bon, non. C'est pire. C'est... Pourtant, c'est inévitable de passer par un processus de conscience. C'est inévitable, si vous le dites. Dans le sens qu'on peut pas arriver autrement à un moment donné que de développer une conscience. T'sais, une personne ne peut pas être inconsciente indéfiniment. Vous parlez de l'humanité, là? Oui, l'humanité, elle peut pas être inconsciente indéfiniment. Alors, il va avec le temps, l'humanité va se conscientiser, mais ça va être long. Ça se fait sur une base individuelle. OK. Mais pour les individus qu'on côtoie... Mais un individu qui se conscientise, il s'aperçoit que la vie va plus mal qu'avant. Puis quand on rencontre des gens puis qu'on leur fait faire une prise de conscience, on peut pas dire qu'on améliore leur vie. Vous améliorez leur conscience. Oui. Parce que la vie aille plus mal qu'avant, c'est simplement relatif au fait qu'avant, ils pensaient contrôler. OK. Ouais, c'est un fait. Aujourd'hui, vous avez des buffers, vous êtes inconscient, vous allez, je ne sais pas moi, dans un club puis écouter du gogo. OK? Vous voyez des femmes qui se tortillent. OK? Mais quand tu es conscient, tu peux pas aller dans un club puis écouter du gogo pour voir des femmes qui se tortillent. À moins que tu aies une raison. Parce que c'était plus une vibration. Mm-hmm. Fait que si quelqu'un dit, bon, ben, viens donc, puis tu y vas pour y faire plaisir, bon, ben, tu vas être des tensions. Mm-hmm. C'est évident. Parce que tu peux pas vibrer comme avant. Ta vibration est plus pareille. Mm-hmm. Fait que, avant, tu t'assoyais au bar, puis elle se tortillait, puis c'était le fun. Pourquoi c'était le fun? Parce que t'étais inconscient. Parce que tu faisais ton smat, tu faisais tes petits jokes, tu ridiculisais la femme qui travaille très dur sur le stage, avec ton chum, t'as montré que t'étais macho, puis t'es ben smat. Fait que c'est l'ego qui joue des games. Mm-hmm. Mais quand tu peux plus jouer ces games-là, à ce moment-là, ben, t'arrives là, c'est que tu vas faire. Arrive au bar, t'asseoir, prendre une bière, puis regarder son aura. Fait que c'est ça que je veux dire quand je dis que la conscience change. Avant, ce qui est important pour toi dans la vie, c'est d'avoir du succès, puis travailler d'une compagnie, puis devenir président d'une compagnie, devenir infirmier ou devenir missionnaire en Afrique ou tu sais. Mm-hmm. Mais quand t'es conscient, sais-tu que devenir missionnaire en Afrique, ça devient très secondaire, tertiaire, quaternaire. Je comprends bien. La qualité de vie d'une personne consciente ne se mesure plus sur les paramètres. C'est pour ça que je dis, bon, tu peux pas vivre comme avant. Ouais, c'est ça. Mais cette nouvelle qualité de vie qu'on découvre dans la conscience, est-ce que ça se partage avec d'autres? Ben oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la même évolution. Donc, ils se comprennent ensemble. Ils ont le même taux vibratoire. Le corps mental a un petit peu la même lumière. Mm-hmm. C'est facile de comprendre quelqu'un qui est en évolution de conscience. Qu'est-ce qui se partage à ce moment-là entre les gens? Ce qui se partage, c'est leur vibration. À travers la parole, à travers l'acte. Autrement dit, leur conscience manifeste, c'est ça qui se partage. Qui se mesure, qui s'imprime là, dans un dans l'autre. Est-ce qu'on pourrait dire, pardon, que ces gens-là ont plus la même appréciation de la forme? Non. Non. Ils ont plus la même appréciation de la forme, définitivement. Leur relation avec la forme est très, très désastralisée, donc probablement ce qui reste, c'est l'essence de leur contact avec cette forme-là, dans le sens où l'individu vit la forme d'une façon très, très fonctionnelle. Mm-hmm. Un type, par exemple, qui serait conscient qu'il aurait une belle auto, mais il va pas vivre sa relation avec l'auto comme il aurait vécu sa relation avec l'auto quand il était inconscient. Mm-hmm. Vous semblez, dans d'autres conférences, vous avez semblé mettre beaucoup l'accent sur l'esthétique. Est-ce que c'est un paramètre de la conscience de devenir très esthète avec la relation avec la forme? Est-ce que le besoin de la sensibilité de l'individu qui est vibratoire l'amène au fait d'être esthète, d'être très proche de l'esthétique? Plus l'homme va être conscient, plus il va se rapprocher de la beauté à différents degrés. Autrement dit, être sensible à la beauté, ça fait partie de la vibration de l'âme, ça fait partie de la sensibilité de l'homme à son esprit. Mais un être qui se conscientise se rapproche de certains niveaux de conscience liés à la beauté qu'auparavant il aurait mis de côté. Mm-hmm. Parce que vous pouvez pas vous imaginer l'esprit ou la lumière traité trop longtemps avec le lait ou traité trop longtemps avec ce qui est de basse vibration. Qui est informe. Donc si l'homme devient conscient, mais il s'enligne graduellement vers ce qui est plaisant à tous les niveaux. Au niveau de l'œil, au niveau auditif, au niveau environnemental. Fait que le phénomène écologique ou le phénomène d'environnement devient très, très important à ce moment-là. Oui, oui. Bon, dans la création d'un nouveau mode de vie chez l'individu, la façon qu'on parle, c'est que quand on est conscient, on consomme plus de la même façon. On n'a pas les mêmes registres de consommation. Qu'est-ce qui est le plus important à se créer pour supporter ce processus de conscience-là qu'on vit, qui nous rend extrêmement sensibles et qui nous enlève ce qu'on appelle des buffers, là, des tampons pour absorber les chocs de l'existence? Qu'est-ce qui est le plus important à se créer comme environnement ou dans notre environnement pour supporter les pressions de la vie inconsciente? Il faut se créer des alliances humaines. C'est les relations humaines, c'est la communication. Ouais. L'homme nouveau est un très, très grand communicateur. Puis, donc, de ces relations humaines basées sur la communication, de cette grande rencontre de l'homme au niveau esprit, ben, il se développe des supports extraordinaires sur, lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a pression, là, l'homme nouveau va se supporter par la parole, c'est évident. Donc, dans ce processus-là, il va se développer des alliances, ce que j'appelle des grandes amitiés. Puis ce sont ces amitiés-là qui deviendront éventuellement les atmosphères pour l'homme. On voyait dans le passé des gens investir des fortunes sur une maison, une auto, une garde-robe, ces choses-là. On verra des gens conscients investir du temps, de l'énergie à échanger avec d'autres individus, à s'accorder avec eux, à développer de la conscience. Ça va être ça, son nouveau centre d'intérêt. Ce ne sera pas un centre d'intérêt, ce sera un rapport de travail. L'homme nouveau développera un rapport de travail, un rapport relationnel avec l'homme. Donc, de ceci naîtra une certaine créativité qui fera partie de leurs besoins, qui fera partie de leur sensibilité, et ainsi de suite. Mais ils ne pourront pas vivre le matériel comme ils l'ont vécu avant. Ils le vivront d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus saine, beaucoup plus créative. Le grand problème de l'homme sur la Terre aujourd'hui, qui est le problème de la survie, graduellement sera neutralisé par les hommes conscients. D'ailleurs, probablement, un des grands rôles de l'homme conscient, c'est de neutraliser un jour le phénomène de la survie. Parce que de la survie, c'est de l'arnaque planétaire. C'est de l'arnaque, la survie. Et toujours en survie, par survie, par survie. Donc, plus l'homme va être conscient, mais plus il va pouvoir neutraliser cette vibration-là, cette condition-là, qui fait partie de l'exploitation de ces énergies par les forces astrales. Les origines de la survie, c'est... Les origines de la survie, les origines de la survie sont basées sur le fait de la mort. Donc, quand vous dites que les hommes conscients vont neutraliser la survie, c'est que ils vont neutraliser une perception du monde de la mort ou des morts? L'homme, éventuellement, arrivera à neutraliser les forces de la mort dans sa conscience. Donc, dans la mesure où il avancera vers cette conscience-là, mais c'est évident que le problème de survie n'existera pas, puis l'homme, éventuellement, n'arrivera à totalement spiritualiser la matière. Mais il y aura autant de survie dans la vie d'un être humain qu'il va y avoir cette conscience de la mort ou du monde de la mort. Autant de survie qu'il y aura d'inconscience. D'inconscience. Voilà. Okay. Ou même si l'homme dit qu'il n'y a pas de survie, a suffisamment de bien-être ou d'abondance matérielle, il n'y a peut-être pas de survie matérielle, mais il peut avoir de survie au niveau de la santé. Ils vont vous accrocher d'une façon ou d'une autre, n'inquiétez-vous pas. Bon, vous dites que... Regardez les rois, regardez la reine d'Angleterre, Diane, regardez... ils nous attrapent, ça, c'est sûr. Mais vous dites que les gens qui sont conscients ensemble, ils vont être des grands communicateurs. Est-ce que la communication, l'échange réel, où il y a une vibration, où il y a une dynamique de mise en vibration, est-ce que ça neutralise la survie dans différents registres? Dans la mesure où l'échange mène à l'approximation réelle ou à la descente réelle de ce que j'appelle le respect. Parce que vous pouvez pas... Communiquer, c'est une chose. Communiquer, c'est plaisant. Communiquer, c'est une levure pour l'esprit. Communiquer, c'est un plaisir pour l'esprit. Mais au bout de la communication, il faut qu'il y ait une action qui soit équivalente à la communication. Et la seule chose qui puisse être équivalente à ce que vous communiquez, c'est le respect. Autrement dit, le respect, c'est l'imprimatur de la communication spirit. Est-ce que vous diriez que lorsqu'il y a respect, il y a action? Lorsqu'il y a respect, il y a action. Tant qu'il n'y a pas respect, il n'y a pas action. Il y a simplement une apparence d'action. Est-ce que les gens qui communiquent et que ils mesurent la valeur de leur communication sur le rendement ou le résultat dans une forme entrave la possibilité d'un respect? Oui, parce que la forme est totalement secondaire pour l'esprit. Ce qui est important pour l'esprit, c'est la relation entre les hommes puis la vibration qui lie les hommes ensemble. La forme devient secondaire à l'esprit. Si l'homme s'expose à traiter avec la forme, et viole la relation de l'esprit avec l'esprit, à ce moment-là, ben, il n'y a pas de, réellement de respect. Il peut y avoir de la communication, mais il n'y a pas de respect. Donc on dirait pas qu'il n'y a pas de condition au respect. Si on parle de l'homme nouveau, il n'y a pas de condition pour le respect. C'est probablement... Le respect, comme je disais tout à l'heure, c'est l'imprimatur de la communication spirit. Ça veut dire que c'est l'imprimatur de l'esprit sur la terre, dans les relations entre les hommes. Et la forme, c'est une conséquence de ça. La forme, c'est simplement une conséquence harmonisée ou harmonieuse de ceci. Dans la mesure où la dynamique des formes se développe de façon harmonieuse, parce qu'il y a eu d'abord respect entre les hommes. Et ça sera très difficile pour les hommes de développer le respect, parce que le respect, c'est très occulte. Le respect, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas la perception psychologique qu'on a de l'autre par rapport à l'intention qu'on a en soi pour lui. Le respect, c'est la mise en chantier d'une relation humaine basée sur la transparence de l'ego, quelles que soient les conditions. Fait que les hommes étant inégaux, c'est évident que si le respect n'est pas basé sur la condition telle que je l'ai définie, à ce moment-là, le respect va devenir conditionnel. Mm-hmm. Devenant conditionnel, il n'a plus de valeur. Ce qui conditionne... À partir du plan mental. Ce qui conditionne le respect à ce moment-là, c'est la forme. Ça peut être, c'est toujours la forme. C'est toujours la forme. Alors que dans le respect, pour eux autres, le respect, c'est inconditionnel. Mm-hmm. Il n'y a pas de condition là-dedans. Ça va être très dur pour l'homme. Alors, est-ce qu'il est possible pour deux individus qui sont dans un processus de conscience de communiquer sans se créer d'objectif, dans un sens de résultat, pour justement se rapprocher du respect? Non, vous pouvez pas communiquer sans vous créer du résultat, parce que une fois que l'homme communique sur le plan mental, je peux-tu prendre une cigarette? Une fois que l'homme communique sur le plan mental, il est obligé d'utiliser cette énergie-là dans la matière. Contrairement au contact entre l'homme et le plan spirituel, le plan astral de l'évolution, sont pas intéressés à donner à l'homme de l'information, donc de la connaissance, donc faire vibrer son rayon pour simplement placoter. Okay. Sont intéressés à donner à l'homme de l'information pour qu'il descende dans la matière, parce que c'est dans la matière qu'il est testé dans ses couleurs. Okay. Tandis que véhiculer de l'information psychique entre des individus, ça dure pendant un certain temps, mais un jour, il faut que ça descende dans la matière. L'homme, un jour, va être testé dans le matériel, parce que c'est le seul là qui peut perdre contenance. Vous ne perdez pas contenance quand vous parlez ensemble. Mm-hmm. Vous pouvez vous endormir quand vous parlez ensemble. Vous pouvez vous trouver intelligent quand vous parlez ensemble. Vous pouvez vous trouver smart. Avec le respect, si je comprends bien... Mais quand vous êtes testé dans la matière, là, c'est là qu'on voit si l'homme est réellement intelligent. Intelligent dans le sens d'être capable de se respecter, comme vous disiez. Capable de se respecter dans des conditions qui souvent sont très, très difficiles. C'est pour ça que j'ai créé une condition matérielle en Haïti pour voir ça, si l'homme était capable d'en arriver éventuellement à se respecter dans des situations qui, au niveau de notre civilisation, sont réellement difficiles aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, c'est pas facile pour l'homme. Qu'est-ce que les forces testent dans l'homme quand il est question de la matière? Ils vont tester s'il a la capacité de ne pas douter qui est, de ne pas douter. Ah, c'est ça. Pas douter. Pas douter de l'avenir, pas douter. Pas douter, c'est pas douter. Arrêtez de taponner avec. Pas douter, c'est pas douter. Pas douter, c'est être conscient. Pas douter, c'est contenir. Pas douter, c'est supporter votre colonne d'énergie. Pas douter, c'est... pas douter. Si vous voulez plus. Fait que si vous voulez un petit peu, mais c'est du doute. C'est parce qu'en général, les gens, ils disent pas douter de quelque chose. Puis vous, vous dites pas douter tout court. Pas douter, c'est pas douter. Ouais. Vous autres, vous voulez des définitions psychologiques de pas douter. Tandis que moi, je vous donne je vous fais une observation vibratoire de pas douter. Pas douter, c'est pas douter. C'est concis. Il n'y a pas de place pour le savoir. Si vous êtes fanatique, si vous appartenez à une religion fanatique, vous doutez pas. Mais c'est psychologique. Vous pouvez être dans des erreurs abominables. C'est quand... Dans l'absence de doute, il y a conscience, il y a savoir, donc il n'y a pas de fanatisme. Ouais. Dans la certitude psychologique d'un doute, dans la certitude psychologique qui mène à l'absence d'un doute psychologique, il peut y avoir grand fanatisme. Ouais. C'est très dangereux. Les gens qui ne doutent pas parce qu'ils ont une certitude psychologique, alors que l'homme conscient ne doutera pas parce qu'il ne sera pas capable de douter. Il n'y aura plus les éléments psychologiques qui font en sorte qu'ils ne doutent pas psychologiquement, puis ils vont tout faire pour créer des doutes psychologiques, jusqu'à temps qu'ils créent une nouvelle fondation sur la Terre. Fait que c'est un autre niveau. Ce que je comprends dans votre pas de doute, c'est que sans aucun support de la forme, vous n'avez pas de doute. Ah, là, vous parlez bien. Sans aucun support de la forme, il n'y a pas de doute. Il ne doute pas. Ça, c'est pas douter. Okay. Tandis que l'autre niveau de pas de doute, pas douter de, c'est avec le support de la forme. C'est conditionnel. Ouais. Donc, il y a des gens qui se vendent l'idée de pas douter parce qu'ils ont une certaine idée de pas douter, puis vous allez vous vendre. À ce moment-là, ça veut dire que c'est la collectivité qui supporte. C'est ça. Tandis que le pas de doute que vous parlez, c'est totalement individuel. Ah, totalement individuel. Puis c'est le seul doute qui, pour eux autres, est important, puis c'est le seul doute qui va résister aux intempéries de l'initiation solaire. OK. À l'origine de cette question-là, c'est qu'on a parlé que deux êtres conscients dans la communication devaient en venir au respect. Mais vous, vous dites, il faut que les gens soient testés dans la forme. Ça veut dire que quand on est testé dans la forme, si on ajoute le phénomène du pas de doute, on est testé dans la forme strictement pour soi-même. Et toujours. Jamais en rapport avec une performance à donner pour les autres. Toujours pour soi. Oui. OK. À ce moment-là, Bernard, vive, est-ce que ça donne une condition absolument centrée sur soi-même? Tu sais, dans le sens que vivre sa vie, être en équilibre dans la vie, c'est strictement en relation avec nous-mêmes. C'est strictement en relation avec soi par rapport à d'autres qui sont dans un même registre. Dans ce sens-là, on n'a pas à s'inquiéter de laisser vivre les autres. Non, ça devient facile. Un individu centrique ne se préoccupe pas de qu'est-ce que l'autre vit. Non. Puis il n'y a pas d'égocentrisme. Non. Où est la part de laisser vivre puis tu respectes? Parce que souvent, un individu centrique donne l'impression d'être un ouragan pour tout ce qu'il veut vivre et que les autres sont dans certains cas un peu comme tassés par sa vibration, sa puissance d'expression. Où est-ce qu'il y a la part de respect dans l'autre qui vit l'initiation, puis un karma, puis l'individu qui est centré? La part de respect est basée sur la capacité de l'homme de s'ajuster psychiquement aux décisions de l'autre. Vous pouvez pas empêcher un homme d'aller dans sa direction. Supposons que demain matin, je dirais, bon, je donne plus de conférences. Je m'isole, je m'en vais faire d'autres choses. Vous arriveriez, vous diriez, bon, ben Bernard Montréal nous a laissé tomber, Bernard Montréal vient de la fin de l'idée, où il disait qu'il n'y avait pas commencé à parler, pourquoi est-ce qu'il s'en va en 94? Il n'est pas fin. Mm-hmm. Bon, ben, ça, vous ne me laissez pas vivre. Ça serait un manque de respect par rapport à ma personne. Mm-hmm. Bon, mais c'est un petit peu de même. OK. Laissez vivre. L'homme un jour s'en va d'une direction, il s'en va dans son rythme, il s'en va dans son mode de vie, il s'en va dans sa vie. Donc, plus l'homme va être conscient, plus il va s'en aller dans sa vie. Bon, ben, dans sa vie, ben, il va rencontrer des gens qui sont dans une vie semblable, dans le sens qu'ils auront la même vibration. À ce moment-là, ben, le respect sera établi, puis ça sera la création de, réellement d'une micro-société. Je vous remercie infiniment, Bernard. De retour dans une demi-heure. Merci.